Retro Nouveau. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième émission de Rétro Nouveau. On voulait commencer par remercier les gens. Puis c'est ça, on veut remercier le monde de nous supporter. C'est vraiment cool, entre autres Dominique. C'est allé très vite, ouais. Même quand on a publié la nouvelle de notre nouveau podcast, ouais. Vraiment sur Twitter, ça a fait de boule de neige très rapidement, puis... C'est wow, la misère à suivre, là. J'ai pas pu travailler pendant une heure ou deux. Je suis vraiment content de la réception. Je pense que les gens attendaient ton podcast depuis longtemps aussi. Ouais, mais il y en a qui comprenaient pas. Ils disaient que j'étais endormi, ils ne catchaient pas que j'avais pas de podcast à mon actif. Mais ouais. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je voulais vraiment avoir de quoi de différent. Puis ça fait un bout qu'on en parle, toi et moi, tu sais, de faire un podcast ou de faire quelque chose, en tout cas, ensemble. Parce qu'il y a été question de part aussi de faire de la vidéo aussi, oui. Pour la faire un vlog. Oui. Puis on voyait toute la problématique derrière ça. En termes de temps, tout ça, tu sais, on est tous les deux gars qui travaillent énormément, fait que, tu sais, on n'a pas tout le temps qu'on veut. Mais on dit pas non à ça, par exemple. Non, c'est ça, exact. On commence avec un podcast, c'est ça, puis on va voir plus tard, là. Exact. Mm-hmm. Puis moi aussi, je voulais dire, il y en a qui ont parlé, entre autres, justement, de Radio Talbot, des autres podcasts, puis tout ça. Ce que je le fais vraiment complètement différemment de Radio Talbot, puis... s'il y en a qui pensent que c'est de la compétition, au contraire, c'est vraiment pas de la compétition. Je suis un gros fan de Radio Talbot. J'adore leur show, j'adore comment qu'ils font, j'adore tout ce que Denis fait. Puis je veux pas non plus. On n'entre pas en compétition, personne. On n'est pas non plus en compétition avec Mike Gamers. On n'est pas en compétition avec la commission des Geekers, avec d'autres podcasts. On le fait tout parce qu'on aime ça, les jeux vidéo. On veut en parler plus. On n'a pas le temps tout le temps d'en parler. Puis, je veux dire, tout le monde a son propre podcast. Puis, je trouve ça cool parce qu'au final, les gamers se retrouvent avec une grande variété. Ben oui. Il y a personne qui a la même opinion. Fait que c'est vraiment le fun de voir cette espèce de gros boom-là de podcast sur Internet. Ah oui, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert ça dernièrement. Oui. Moi, j'ai commencé avec mon blog, ça fait un an, mais j'ai gamé depuis... Je game depuis toujours, mais depuis un an et demi, c'est là que je voulais être... Tu sais, y a-tu une communauté, y a-tu quelque chose? Fait que c'est pour ça que j'ai créé mon blog. Aussi une communauté en français, tu sais. Oui, puis c'est top de trouver ça. Aussi à checker les podcasts, tout ça. Ouais. Mon Dieu, il y en a plein, puis le monde s'écrive, tout ça. Je trouve que c'est une belle communauté. Y a exact. Podcast, même Max Tremblay. Oui, Max Tremblay, l'épée légendaire aussi, qui était avec l'Antouquet. Juste avant que je parte, là, tu sais, il avait aimé ça, puis tout. Je suis comme, waouh, ben, c'est bien le fun, là, tu sais. Non, c'est vraiment cool. On adore le retour du monde, puis. Vraiment, là, on le fait, moi je tiens à préciser ça, on le fait sans être compétitif à personne. Puis je pense qu'il n'y a personne qui fait un podcast qui le fait par compétition, en essayant de baisser les autres. On fait toute partie de la même communauté. Mm. Tout le monde qui font des podcasts, vous allez vous rendre compte, on se parle toutes. On aime tout ce que les autres font. On va accepter d'être dans d'autres podcasts aussi. Donc, tout le monde le fait d'une façon très différente. Aussi. Exact. Puis moi, j'encourage le monde même qui écoute. Partez-vous-en des podcasts. Donnez-leur votre opinion. C'est super le fun. Puis c'est le fun de voir que la communauté francophone des jeux vidéo grandit comme ça. Fait que c'est vraiment cool. Fait que on vous invite, entre autres, à aller sur notre Twitter, évidemment. Rétro, R-E-T-R-O, évidemment. Pas d'accent. _ nouveau. Puis aussi, vous pouvez aller sur notre page Facebook. Si vous recherchez tous ces liens-là, ils sont aussi sur retronouveau.ca ou retronouveau.tumblr.com, qui est notre site principal. Donc, allez liker notre page Facebook rapidement. Ouais. Il nous manque à peu près 7 personnes pour pouvoir avoir Facebook/RétroNouveau. C'est vrai. Donc, ça prend 30 likes, si on en a 23, je pense. C'est ça. C'est le début. Ça commence tranquillement, puis c'est normal. Puis... On apprécie tout le monde qui est là. Ben, on a déjà posé un petit peu de questions aussi aux gens pour voir s'ils aimaient le podcast à venir jusqu'à date, c'était le premier épisode. Puis aussi, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme chronique rétro nouveau dans l'avenir? Oui. Et puis, ça l'a répondu déjà pas mal que ce qui est sorti Alien Syndrome. Alien Syndrome est sorti, Metroid. Splatterhouse, toutes des choses comme ça. Donc, on a tout ça, puis on va vous en reparler. Mais ce qui est important de savoir, c'est que... C'est ça, si tu peux expliquer rétro-nouveau, tu sais, c'est quoi encore? Là, ça serait... Ben, je vais expliquer ce que la problématique dans le monde, ben c'est pas une problématique là, mais ce qu'il faut faire pour faire un épisode, c'est que on n'a pas tous les jeux, malheureusement. Puis Alien Syndrome, par exemple, si on veut faire une critique rétro nouveau là-dessus, moi je l'ai pas, faut que je me le procure. Faut que je le colle sur eBay. C'est ça. Puis faut que je l'achète avec mon argent, puis faut attendre que le shipping qui peut prendre une semaine, deux semaines. Donc on va en faire, mais il faut vraiment les timer d'avance là. Ouais. Donc tout ce que vous nous dites là, on le prend en note. On le garde, c'est sûr. Il y a des jeux, on va regarder. On avait parlé de Contra Hard Corps. Ouais. Et puis on dit-tu Hard Corps? C'est Hardcore. Ça a l'air que ça ne dit pas corpse, parce que corpse en anglais, ça serait C-O-R-P-S-E. Ouais, je sais. Mais quand c'est C-O-R-P-S, c'est pareil comme en français, c'est hardcore. Ah, ben voilà. Ouais. Donc, toi, t'as ça déjà. Ouais, moi, Uprising. Si je le veux sur le Genesis, le Contra hardcore de base, il est à peu près 100$. Là. Ouais. Ça fait... C'est ça, fait que c'est différent. Ça. Mais je le veux pour ma collection. Tu vois, ça va me faire plaisir de l'acheter éventuellement, puis on le fera. Fait que ça va être le fun. Mais je veux pas acheter non plus des jeux guenilles, là. Non, c'est 50$. Ça. C'est sûr. On va regarder, là. Tu sais, juste. N'oubliez pas qu'on met notre argent là-dedans. Exact. On fait vraiment notre possible pour vous livrer du stock de qualité. Donc, on peut pas faire du tac au tac sur un jeu. C'est ça. C'est pour ça aussi qu'on fera pas juste des critiques rétro-nouveau. Non, c'est ça. On va vraiment ratisser large, mais l'angle du podcast reste qu'on veut toucher au nouveau puis au rétro à chaque épisode. C'est vraiment... Moi plus nouveau, Dominique plus rétro, on mélange nos opinions, on aime tous les deux le temps, si on pourrait dire, de l'autre, l'air de l'autre. Fait que ça fonctionne, ça fait un beau mélange. Yes. On commence ça avec des démos. Moi, cette semaine, j'ai essayé un démo, puis j'ai essayé un nouveau jeu. Le démo que j'ai essayé, c'est le nouveau Driver San Francisco. Vraiment, là, je suis quand même assez étonné des changements qu'il y a dans la série. Le premier changement qu'on remarque le plus est vraiment bizarre, là. C'est, t'es dans ton auto, tu commences une mission, puis là, tu parles avec ton chum dans l'auto, puis là, il dit, qu'est-ce que t'as, là? Ben, je sais pas ce que j'ai, mais je suis capable de me mettre dans le corps d'une autre personne, je suis capable de prendre l'âme d'une autre personne, puis après ça, je me souviens plus de rien, puis je suis capable de contrôler son véhicule. Là, le gars à côté, il fait comme... You're fucking with me, dude. Puis, tu sais, il comprend pas, tu sais. Puis, il se dit, voyons, non, ça se peut pas, montre-moi là. Fait que là, c'est comme un tutoriel. Puis là, t'avances avec ton auto. Comme de fait, tu peux aller sur le dessus de ton auto, sélectionner une autre auto, puis devenir cette auto-là. Okay. Fait que l'âme de Tanner rentre dans un autre auto pour devenir cette autre auto-là. Tanner, ça, c'est le même. Tanner, c'est le personnage principal depuis toujours. Driver, exact. C'était lui. Puis ça, d'ailleurs, ça ferait une très bonne critique rétro-nouveau. Ouais. Driver, c'est une série que j'aime beaucoup. Puis malheureusement, ils rushent pas mal là, depuis une bonne couple d'années. Là, ça va pas très bien, Driver. T'sais, ils ont essayé d'amener ça dans les années 60. Ils ont essayé de ramener ça un petit peu plus futuriste. Ouais. Ça a pas trop fonctionné. Là, cette fois-ci, j'ai l'impression qu'ils donnent le tout pour le tout. Mais c'est comme différent, c'est très différent. Il fait des voyages astrales. Oui, c'est vraiment bizarre. C'est pas du gangstérisme, là? Non, c'est ça, mais moi, j'ai aimé l'approche. Parce que dans l'auto, quand il y a la conversation avec le gars... C'est un peu absurde, tu sais, t'as quasiment l'impression d'écouter du Tarantino, là, tu sais, t'écoutes la conversation, puis le gars, il est comme « What? » Puis, tu sais, c'est weird un peu dans l'auto, puis tu vois que la personne le croit pas, puis tu sais, ils disent « Bon, ben, écoute, on va embarquer là-dedans, puis on va faire cette mécanique-là, qui fonctionne super bien avec le jeu. Mm-hmm. » Tu sais, il aurait pu décider de mettre Tanner sur le dessus de l'auto, qui saute sur un autre auto, comme dans Pursuit 4 sur PSP, mais ils l'ont pas fait. Ceci dit, ça fonctionne quand même très bien, puis ça change un peu l'état des poursuites. Okay. Puis ça va devenir un petit peu complexe de faire un peu de gérer tout ça, parce qu'à un certain point, tu sais plus vraiment est où l'auto d'origine, parce qu'il faut que tu reviennes dans la peau de Tanner aussi à un moment donné. Corps, là. C'est ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça un petit peu compliqué, puis j'ai essayé le démo une fois, puis j'avoue que j'étais un peu perdu par bout, mais j'aime la direction qu'ils prennent. Les véhicules se contrôlent super bien. Puis chaque véhicule dans lequel j'entrais était différent. Donc, le démo nous permet aussi d'essayer plusieurs véhicules. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. Enfin, téléchargez ça. Moi, je l'ai essayé sur 360. Là aussi sur PS3, sur PlayStation Network. Puis vraiment intéressant. Deuxième chose que je veux vous parler, j'ai commencé à jouer à Deus Ex Human Revolution. Comment le jeu dit? De l'heure. Pas Deus Ex. Non. C'est exactement comme je viens de le dire. C'est Deus Ex. Ouais, ouais. Hein? C'est weird, hein? C'est vraiment bizarre. C'est, mm-hmm. c'est pas évident à dire. Mais c'est le nom de ce nouveau jeu-là. Ça arrêtait pas, là, cette semaine. Hier. Ça arrêtait pas, mais c'est ça, c'est parce que Denis Talbot et Stéphane Morissette. Stéphane Morissette est le réalisateur de Monsieur Net. Puis, depuis 4 ans, ils suivent Eidos, toute l'équipe d'Eidos Montréal, pour faire un making-of du jeu. Donc, ça fait vraiment longtemps qu'eux autres sont là-dessus. Moi, je suis dans l'équipe depuis tout ce temps-là. Ça fait 5 ans que je suis avec Monsieur Net. Puis, j'ai jamais entendu parler de ça. Il y avait vraiment, c'était vraiment un secret. Puis, les gars, ils gardaient ça vraiment en tête. Puis, c'est vraiment cool comment ils ont fait ça parce que ils ont gardé ça secret. Puis, en même temps, Tristan était tout le temps en retrait de ça parce que c'était lui qui allait devoir faire la critique au final. Fait que j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est ça, il s'est pas fait influencer. Ils ont vraiment fait ça de façon très professionnelle. C'est très bon. En passant, écoutez le documentaire que l'équipe a fait. C'est vraiment excellent. C'est sûr que je suis un peu mitigé, évidemment. C'est quand même aussi Monsieur Net, fait que c'est sûr que je parle pour eux autres, mais c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bon, c'est vraiment un jeu qui est intéressant. J'ai commencé à jouer pour voir si j'allais trouver ça aussi intéressant que le mythe. Oui, j'ai vu que tu avais un achievement là, sur Facebook. Oui, j'ai eu un achievement qui est apparu. Bravo, Bruno. Mais ouais, c'est ça. Puis au départ, j'avoue que j'étais pas sûr, ben franchement, parce que... au premier coup d'œil, moi, personnellement, ça me dit rien pas en tout, là. J'ai pas regardé le vrai trailer pis tout, mais ça avait l'air pas si spécial. Ben, quand tu regardes le trailer, c'est juste le dernier trailer qui est sorti, on dirait que c'est le meilleur jeu de tous les temps. Ils ont donné le tout pour le tout, c'est émotionnel, c'est beau, c'est riche, c'est vraiment intéressant. Dans Deus Ex, t'es un espion. Fait que tu vas aller, justement, on va te donner l'option de jouer de deux façons. Tu vas pouvoir jouer soit par infiltration, un peu en mode furtif, que tu ne te fais pas détecter ni rien, tout ça, ou tu peux y aller tout simplement, puis tirer sur les ennemis. La différence avec les autres first-person shooters, c'est que dans Deus Ex, on ne te permet pas de rentrer dans le tas et de tirer sur tout le monde. Okay. C'est comme dans la vraie vie. Okay. Moi, je me souviens d'un scénario précis. J'arrive, je suis caché derrière un muret, il y a un mur qui explose, puis il y a 3 gars qui arrivent dans la salle. Je me dis, 3 gars, voyons donc, j'ai déjà joué à Call of Duty puis à Battlefield, je vais les nailer, ça sera pas long, là, ils vont tous être au plancher. Ben non, pas pantoute. Je me suis levé pour tirer sur un gars, puis je suis resté là pour l'achever, puis il y en a un, il m'a tiré 2 balles, puis je suis mort. Ah ouais. Puis ça, c'est en mode normal. Okay. Il faut vraiment que tu joues de façon tactique, que tu sois intelligent. Si tu tires, il faut que tu te couvres pour te cacher absolument, parce que sinon, tu vas te faire avoir. Puis si c'est pas lui qui t'a, ben il y en a un autre, pendant qu'il y en a un autre qui te tire, qui va venir te chercher littéralement. Fait que l'intelligence est bonne là-dedans. L'intelligence artificielle est phénoménale. C'est vraiment surprenant pour un jeu, parce que c'est dur de faire de l'intelligence artificielle. Ouais. C'est rare qu'il y ait de la qualité dans l'intelligence artificielle. Cette fois-ci, on le retrouve. C'est vraiment génial. Je suis juste au début du jeu. J'ai à peu près 2 heures de fait. Mais jusqu'à maintenant, je trouve ça génial. Il y a beaucoup de personnes sur Internet qui disent que les boss sont pas terribles. J'ai joué avec le premier boss, donc c'est difficile de donner une opinion finale pour l'instant, mais ce que je vois est vraiment bon. L'affaire qui me dérange un peu, l'engin est un peu daté, mais vu que le gameplay est aussi bon, on l'oublie là, vraiment, puis le look est vraiment beau, ça reste tout le temps un petit peu couleur bronze tout le temps, fait que ça marche. Il y a aussi une méthode pour se coller contre le mur qui est complètement différente des autres. T'es en vue à la première personne, puis dès que tu te colles sur le mur, ça devient du troisième personne. Okay. Tu peux avoir aussi du corps à corps où tu décides de tuer tes ennemis ou de les endormir, cacher les corps, les fouiller. Tu peux faire du hacking. Il y a une tonne de choses à faire dans ce jeu-là, fait que ça va beaucoup plus loin que le simple first-person shooter. Ouais. On rentre dans le top et on tire. Yes. Fait que ce jeu-là mérite toute votre attention, même si ce que je fais là, c'est pas une critique complète, c'est juste un aperçu. Achetez-le, littéralement. Là, c'est Monsieur Net ont donné un 9.5, moyenne de 90% sur Metacritic. Ouais, c'est pas rien. Haut. Puis même les utilisateurs ont donné une moyenne d'environ 90%. Donc, c'est vraiment c'est un jeu essentiel. Il faut absolument jouer à ça cette année. Un beau produit du Québec. Yes, un beau produit du Québec, de Montréal, tous yes. Des Québécois. Ben moi, cette semaine aussi, je voulais faire un petit retour sur un article que j'ai posté sur mon blog. Je voulais parler un petit peu des boutiques de jeux vidéo spécialisées au Québec. Puis, j'étais en vacances dernièrement, j'en ai vu plusieurs, c'était pas prévu, ma blonde était quand même très compréhensive, on passait tout le temps devant quelque chose, fait que je suis allé voir. J'ai ramassé pas mal de stocks et j'ai pu en voir plusieurs, dont, ben écoute, au Québec, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Spoutnik, j'ai vu qu'il y a des boutiques Game Over, il y a Game Buzz, EB Games, Dimension, Microplay, en gros, c'est pas mal ça. Ouais. Fait que, dans le fond... on peut dire qu'il y a deux sortes de boutiques. En tout cas, moi, il y a des boutiques dans lesquelles je ne vais jamais, EB Games, tout ça. Ben toi, c'est ça, t'as plus rétro, une approche rétro, fait que c'est difficile place, d'aller trouver là, ça. C'est du 64 maximum là, qu'ils ont là, ça fait que ça, je ne vois pas vraiment. Considères-tu, t'es-tu déjà allé justement dans un Microplay puis un EB Games pour comparer les prix? Ben, pour le rétro par rapport à, mettons, au pawn shop ou ben, boutique. C'est sûr que les pawn shops sont d'un pas mal plus négociables. Mais moi, dans ces boutiques-là, il y en a quand. Ben, je veux dire, le EB Games, Game Boy, il y en a des choses putnées. Oui. Mais le rétro est toujours trop cher, tu sais. Oui. Là, je comprends même pas pourquoi est-ce qu'ils en tiennent, tu sais, parce que tu peux pas vendre là, Ghost and Goblins là, 30$, là, juste la cassette comme si c'était c'est de l'or. Street cred. Ben, là, ils se disent le gars qui s'en vient acheter le. Il s'en vient acheter un jeu PS3 ou 360 et il se dit ah, un peu de nostalgie, il m'a me pogné ça. Ben, c'est cher, ça fait cher la nostalgie. Ah, c'est... Ouais, mais quelqu'un qui connaît pas ça. Je vends souvent parce que moi je les fais souvent les pawn shops et les boutiques. Ouais. Puis écoute, moi j'ai vu là The 7th Saga sur le Super Nintendo là, pendant 3 ans dans une boutique. Avant que je l'achète là, parce qu'il était et trop Colin, cher. Là, après 3 ans, j'ai dit check buddy, ça fait 3 ans que je le vois tous les jours. Il est là tous les jours, là, tu vas le vendre pas cher. Là. Fait que c'est ça, tu sais, il n'y a pas un gros roulement de jeu rétro. J'ai l'impression qu'ils en tiennent juste pour la forme, tu sais, pour faire beau, pour faire plus complet. Est-ce que je disais crédibilité là? Ben, ouais. T'as du rétro, t'es quand même. T'as comme l'impression d'en connaître tes affaires, mais c'est ça. La plupart des. Je pense, en tout cas, j'ai fait affaire au Sputnik de Sherbrooke, je vais y revenir encore avec un parfait inconvénient. Compétent, là, en matière de rétro, en tout cas. Ce que je vous dis là... C'est pas évident, Spoutnik. Hein? Ben, je sais pas. Je suis pas allé à celui de Chambly. Ouais. Je suis allé à celui de Sherbrooke. C'est ça que j'ai fait, Sherbrooke, je pense. Ah, Thetford Mines aussi. Okay. Puis, écoute, c'est pas mal toujours pareil. Là. C'est très cher, le rétro, mais à Sherbrooke, c'était terrible. Là. Là-bas, tous les jeux, toutes les cassettes là, étaient en état... Là. C'était détruit, là. Ouais. L'étiquette arrachée et tout ça. Puis ils vendaient ça à un prix fou, là, tu sais, juste parce que. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ils disent, moi, tout scrap de même, je vais le vendre 200$. Ouais. Non, mon gars, tu le vendras pas 200$. Je vais aller sur eBay puis je vais l'acheter, tu sais, tout de suite, là, clean, 20-30$, tu sais. Fait que je comprends pas, là, c'est quoi ça, tu sais. Pourquoi faut pas en tenir, là, du rétro tant qu'à ça. Je pense que c'est de profiter de la naïveté des gens parce que, mettons, comme moi, entre autres, je vais te demander au départ la valeur d'un jeu parce que je m'y connais pas. Ouais. Fait que c'est sûr que si moi, je vais voir un jeu, là, mettons, je vois Ninja Gaiden à 15$ dans un pawn shop, puis là, tout de suite, on dit, wow, si le troisième, il est trop cher, mettons. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais moi, je sais pas ça. Ben, tu peux te faire. Tu peux payer le jeu là, quand même, mettons un 5$ de plus là, dans une boutique comme ça, si c'est correct. Ça, j'ai pas de problème avec ça, mais la référence, c'est toujours eBay, là, vraiment. Okay. Tu sais, Mario Bros 3 là, sur eBay, là, vas-y tout de suite, tu vas l'avoir là, dans une semaine pour pas cher. Là. Fait que va pas dans les boutiques spécialisées qui en ont trouvé une à un moment donné, je sais pas où, puis là, ils disent que il ça est cher, Mario Bros 3 en boutique. C'est ridicule, c'est faux. Là. Puis eBay va toujours être. Moi, je trouve, en tout cas, la référence. T'sais. Ben parce que c'est des particuliers qui vendent ben, des c'est jeux. Des particuliers, puis c'est la loi de l'offre et la demande. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Là. C'est le commerce, là, plus simple, il est là. T'sais. Si tu veux Russian Attack, puis il y en a à peu près 50 items sur eBay, puis qu'ils le vendent en moyenne 5$, ça vaut 5$. C'est pas ça. Plus compliqué que ça. Si tu veux la trilogie de Ninja Gaiden sur le Super NES, puis que tu vois ça jamais nulle part, puis qu'il y en a un, des fois, de temps en temps, qui pop sur eBay puis qui le vendent 70$, c'est ça que ça vaut. Là, fait que c'est vraiment la base, ça. OK. Mais pour acheter du rétro, vraiment, là, si vous voulez, si ça vous intéresse vraiment, que vous voulez collectionner, allez plutôt dans les pawn shops puis les marchés aux puces. C'est la place. Il y a les gens connaissent moins ça dans les pawn shops, écoute les cassettes de jeux vidéo. C'est fou, là, ça coûte à rien. Ça moi, j'ai rien. Acheté Sunset Riders. Et ça a une belle petite valeur. J'ai vérifié ça. Ah, c'est malade. Combien t'as payé ça, genre? Je l'ai payé 5$. 5$, ouais, c'est ça. Ça vaut à peu près 30$ d'après ce que j'ai. Je l'ai payé 50$ quand j'étais jeune. Ben t'sais. Ouais. Ben, il est vendu, un autre mauvais coup. Mais c'est ça, c'est que là-bas, c'est considéré comme la merde, là. Tu ouais. mets ça dans des boîtes, puis cache ça en dessous du comptoir, puis... C'est des vieilles, des vieux jeux. Là, tu demandes de ressortir ça. Tu sais, il y a beaucoup de jeux de sport, de cochonneries, mais de temps en temps, quand on est un petit peu renseigné, quand tu cherches vraiment quelque chose, tu trouves l'item là, à ton prix. Là. Ouais. Ça, c'est vraiment parfait pour ça. Les marchés aux puces, c'est le best. Ça, parce qu'il ne faut pas aller dans les stands de marché aux puces où est-ce qu'il y a des gens qui ne font que vendre du jeu rétro. Parce que ça équivaut à une boutique spéciale. Ouais, eux autres, ils savent ce qu'ils font. C'est ça. Faut aller aux gens qui vendent Ose, qui vendent... Ouais. Qui va comme les souliers, trois jeux plus une manette. Au travers de ça, ouais, en plein ça. Ouais. Là, tu vas avoir Super Mario Bros. 1 clean dans sa boîte, qui prend beaucoup de valeur. C'est ouais. ainsi d'ailleurs. Puis il va vendre ça. Tu négocies, tu sais. Il te le vend 5$, tu dis, je te donne 2$. Faut pas hésiter 2 secondes. Là, faire un bundle en marché aux puces, puis dealer ça pour des pinots. Ouais. Les gens, ils connaissent rien. Et dernièrement, j'étais à Sainte-Julie chez mon beau-père, puis je regardais ça. Il y avait des ventes de garage. Il y avait plein de ventes de garage. Ouais, ça, c'est le best aussi. Puis aussi, tu sais, je passais en shop, puis j'étais comme, fuck, je veux pas m'en aller. Il y avait plein de stands avec plein de jeux. Puis, il y a toujours des trésors là-dedans. Puis c'est tout le temps comme un bonhomme et une bonne femme. Tu vois, le petit gars ou la petite fille est parti de chez eux, ça fait un bout. Ben ouais, il respecte eux autres, c'est comme, tiens, ça, c'est toute sa cochonnerie, là, moi, je vends ça. C'est vrai d'avoir ça dans le grenier ou dans la cave, ouais. ça vaut rien. Des fois, t'as des jeux pour 2$, 1$, là. Ah, des fois, ils veulent se débarrasser de tout ça, ils te donnent tous les jeux vidéo pour 20$. Fait que, faut vraiment chercher, là. Ah ouais, mais c'est vraiment, ça, c'est le best, là. Ouais. Mais pour les coureurs. Parlons maintenant des boutiques spécialisées comme EB Games, tout ça, ouais. pour les jeux plus récents. Parce que c'est moi, ça. Je bâche sur eux autres, tu sais, côté rétro, côté nouveau. Là. Mais côté nouveau, moi, je suis vraiment là, tu sais, je joue une vraie game de Pong, tiens, pour être dans le sujet. Pour être d'accord. Ouais, pour être d'accord. Là. Non, mais je suis vraiment entre EB Games et Microplay, pratiquement tout le temps. Puis, des fois, évidemment, Future Shop, parce que Future Shop, souvent, ils ont des deals sur les jeux qui sont assez incroyables. Comme, admettons, si vous achetez Deus Ex Human Revolution, regardez votre facture, vous avez 10$ de rabais sur Batman Arkham City. Donc, gardons ça si c'est merveilleux. mais il n'y a personne qui te le dit, tu sais. Okay. Mais ils ont souvent des rabais comme ça qui sont intéressants. L'échange, pas sûr pour le Future Shop, c'est pas, je trouve pas que c'est la meilleure place, surtout que c'est extrêmement complexe. Il faut quasiment qu'on te passe un scan, une fouille. C'est vraiment un échange, c'est comme retourner un article. Ben, c'est comme si tu retournais des articles. J'en veux plus. Là. C'est ça, exact. Ouais. Ben, c'est parce qu'il faut aller au comptoir des échanges, puis tout ça, des problèmes, puis là, t'attends en fil, avec ta facture, avec tous tes jeux. T'as quasiment l'air d'un voleur. Ouais. Ça se trouve, puis on fait quasiment sentir mal parce que là, t'arrives, la fille, elle trouve pas le code parce qu'elle s'en sac des jeux vidéo et quand Marc, tu peux-tu m'aider là? Puis là, ça marche pas, puis ça prend une demi-heure, puis c'est pas la bonne place pour échanger. Par contre, pour acheter des jeux, si vous êtes intéressé à un jeu, très bonne place aussi pour les précommandes. Ils ont souvent des bonnes offres intéressantes. Fait que c'est une place à regarder. Mais sinon, c'est vraiment pour l'échange entre EB Games puis Microplay. Des fois, EB Games offre des rabais incroyables sur des jeux. La plupart du temps, quand il est dans la première semaine, là, quand tu finis ton jeu en une semaine, comme j'ai déjà dit, ça vaut la peine, là, t'as un bon rabais. Puis pour ce qui est des jeux, c'est le fun parce que les deux places ont de l'usager, sauf que ça, clairement, le gagnant, c'est Microplay. Pour acheter de l'usager neuf, c'est Microplay le gagnant. Acheter de l'usager neuf parce que des jeux nouveaux, finalement, des jeux de PS3, Wii, 360, c'est Microplay qui vont les vendre au meilleur prix. Parce que EB Games, là, si tu achètes, admettons, Assassin's Creed Brotherhood, tu vas l'acheter au EB Games. S'il est usagé, ils vont le vendre 5$ de moins que le prix original. Ouais. Tandis que si tu vas au Microplay, la plupart du temps, il est la moitié du prix. Puis bien des fois, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire, admettons, tu sais, achète-en deux, t'as le troisième gratuit du pré-joué, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Plusieurs choses, fait que Au final, ma meilleure place, ça reste le microplay. Microplay, c'est vraiment pour moi la meilleure place. EB Games, ils ont des bons deals, mais il faut vraiment être attentif et checker tes affaires. Tandis qu'au microplay, tu es quasiment tout le temps sûr d'avoir une bonne offre et tout ça. Mm-hmm. Pour le rétro, je suis d'accord avec toi. Microplay, ils ont souvent des fois des petits jeux. Ils tiennent beaucoup de. Moi, je suis allé dans le mien et il y avait beaucoup de jeux de Game Boy. Game Boy Advance, il y en a beaucoup de ouais, ça. Oui, aussi. Microplay sur Mont-Royal, j'ai trouvé Okami sur le PlayStation 2. Mm-hmm. Il vendait 11$. Wow. J'ai sorti ça d'un bac, là, vraiment, de nulle part. Ah, oui. Il vendait ça pour des peanuts. Le gars a dit ben oui, c'est le prix. Ah, oui. Puis eux autres aussi ils s'en foutent, tu sais, eux autres ils regardent les listings puis that's it, ils s'en tiennent à ça puis ils se tiennent à des listes quand même, ils donnent pas là, ils font pas juste comme oh, on va le mettre 2$, tu sais, c'est il y a tout le temps un choix pour tout. Faut aussi regarder les bacs qui sont à l'entrée, il y a des bacs qui sont là qui sont des vieux jeux, mais il y en a d'autres aussi que c'est des jeux assez récents qui ont eu une mauvaise cote. Comme, mettons... Epic Mickey est descendu à 10$ à un moment donné. Okay. Puis, il y a eu aussi Medal of Honor. Moi, je l'ai acheté là. Medal of Honor m'a coûté 14$. Okay. Trois semaines, je pense, après sa sortie. Fait que... Ouais, c'est bon, ça. C'est très bon. Fait que ça vaut la peine de regarder puis de vérifier. Puis, je trouve que c'est une méchante bonne place. Ma pire place, moi, personnellement, c'est le Game Buzz. Dans le temps, avant que ça déménage sur Sainte-Catherine, c'est encore sur Sainte-Catherine, mais un peu plus loin, il y avait beaucoup de rétro, là, des présentoirs. Ah, il y en avait plein, énormément. Il y en avait au deuxième étage, c'était superbe. Maintenant, c'est rendu tout petit, cette boutique-là. C'est rendu tout petit, ça a changé de place. C'est comme s'il avait pris tous les prix, puis ça avait comme gonflé. Même moi, au début, là, à un moment donné, j'ai vu un employé partir avec un sac. Il est arrivé avec un sac du Future Shop. Il y avait littéralement des copies du Future Shop. Puis, ils vendent plus cher. Ben oui. Puis le gars, il me l'a dit. C'est l'autre bord de la rue, là. Ouais, c'est l'autre bord de la rue. Il m'a dit, ben, crime, on n'a pas le choix de vendre plus cher, mon gars, sinon on va mourir, tu sais. Ouais. Mais c'est pas cool, tu sais. Puis en plus de ça, c'est une petite boutique. Les petites boutiques, des fois, tu sais, je sais, entre autres, j'ai entendu, en tout cas, Dartin de My Gamers qui disait, ah, moi, ça me dérange pas de payer plus cher. Ouais, c'est une petite boutique intéressante. C'est ça, tu sais, boutique locale, je suis complètement d'accord, tu sais, c'est vrai. Tu sais, si c'est local, t'as... Ben, à Longueuil, mettons. Ouais, c'est ça. Puis t'as une belle relation avec le staff, tout ça. Tu sais qu'ils travaillent fort, tu sais qu'ils te donnent du bon service. Oui, totalement d'accord. Mais là, c'était vraiment comme, salut. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Je cherche, mettons, tu sais, je dis, ben moi, je cherche No More Heroes, là, je suis venu acheter ça. OK, là, il check en arrière, il ne voit pas. Oh. Puis il capote, il check son ordinateur. Il veut pas être là, il veut pas t'aider. C'est pas le fun, c'est pas ça. Tu sais, tu as plus de services quand tu vas au dépanneur. Fait que, tu sais, c'est dommage, là. Ouais, c'est ça. Puis ils jasent pas. Ouais, ils jasent pas. C'est ça. Puis des fois aussi, EB Games, vraiment, des fois, il y a un effort à faire aussi. Ouais. Tu sais, ça dépend des EB Games, là. Mais le EB Games à Montréal, au Centre Eaton, là. Ben, c'est des jeunes qu'il y a là. Des fois, ils sont complètement blasés. Ils sont comme, oui, je vais acheter celui-là. OK, combien tu le veux? Puis c'est comme... Ah, ben, eux autres, ils veulent pas être là, ils sont blasés. C'est pas tant des gens qui sont passionnés par ça que du monde qui cherche un job et qui ont atterri là. Ou des fois, ils sentent que... Des fois, j'ai l'impression qu'ils sentent que eux autres, ils en connaissent plus que toi. Puis qu'ils sont comme, j'ai joué ce jeu-là. Moi, je l'ai fini, ce jeu. C'est vrai que c'est comme... Si, ils savaient. Pourquoi l'attitude, bordel? Ouais, ça sert à rien. Tu travailles dans un magasin de jeux vidéo. C'est pas la job la plus cool au monde, ça. Ouais. Pour un jeune, en tout cas, c'est cool. Hey, comment, j'aurais bien mieux aimé ça de faire. Je viens de la Beauce, vous allez peut-être. Vous reconnaissez peut-être un certain accent dans mon parler. Puis quand j'avais 15 ans, je travaillais dans les fermes, les deux mains dans la marde, je ramassais des roches, tu sais. Fait que. T'as le choix, la ferme, la marde ou donner des jeux vidéo à des jeunes, tu sais. Comment bien chanceux, petit gars, de connaître ça, le travail dans une boutique de jeux vidéo, puis de jouer, puis d'avoir des deals sur les jeux, parce que vraiment, là. Hey, j'aurais capoté, moi, de travailler dans une boutique de jeux vidéo quand j'étais jeune, tu sais, à la place. J'ai passé des journaux. Moi aussi, je me suis mis les deux mains dans la marde, puis, tu sais, c'est un job cool. Chier, c'est là, c'est merveilleux. Puis entre autres, moi, un petit shout-out rapide, il y a un EB Games en particulier, le EB Games de Lachenay, qui est autour du... Il y a un Costco dans ce coin-là. Il y a plein de boutiques puis de magasins. Cette place-là, j'ai tout le temps de l'excellent service. Les gens qui y travaillent sont vraiment chaleureux. C'est des passionnés de jeu. Ils aiment ça. Fait que c'est super le fun. Des ambiances comme ça, quand tu vas t'acheter un jeu, t'en as besoin. C'est le fun. Ouais. Fait que... non, c'est ça. Fait que moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur les boutiques. Ben, j'avais des petits shout-outs, moi aussi. Ah oh, ouais, vas-y. Entre autres, au Québec, pour les jeux rétro, dans les meilleures places, j'ai trouvé que c'est les boutiques Game Over. Ouais. Il y en a une à Saint-Hubert, une à Varennes, puis une à Saint-Constant. Celle à Varennes, c'est juste ma blonde qui est allée, là. Puis, okay. Elle m'a appelé au téléphone. « Bon, j'ai trouvé une boutique, là. Je vais t'énumérer tous les jeux qu'il y a, puis tu me diras si tu veux que j'en achète. » Ouais, ma blonde est vraiment cool. Fait que, c'est ça. Elle, à Saint-Hubert, le propriétaire m'a expliqué que c'était ensemble, ça, les trois boutiques Game Over, avant, okay. Puis on splitté. Fait que chacune s'appelle encore Game Over, mais chacune est sa propre entité. OK. Là. Donc, pour les prix, j'ai trouvé ça bien correct. Ouais. Puis Game Over Saint-Hubert, j'ai déjà acheté quand même pas mal de stocks, négocié un peu. Puis ils ont beaucoup de, écoute, ils ont du vieux stock, ils ont beaucoup de nouveaux stocks aussi. Donc ces boutiques-là valent vraiment la peine. Puis j'ai découvert cette semaine, je suis jamais allé, une place qui s'appelle La Planque au jeu. Ah. Ça, c'est à Québec. Okay. Je ne donnerai pas l'adresse. Là. Vous irez voir sur Google. Parce que j'ai oublié de la noter. Puis, j'ai entendu parler de cette place-là sur le site de Racket Boy. Racket Boy, ça, c'est un Américain qui a un site dédié au rétro depuis très longtemps. Il fait des podcasts. Il a interviewé le Angry Video Game Nerd. Il fait des gros, des gros topos, là, des gros articles sur toutes les consoles, tous les vieux jeux. C'est vraiment un excellent site, racketboy.com. Puis là, il faisait un topo sur les meilleures boutiques de jeux spécialisés rétro dans le monde. Fait que ouais. Le monde envoie des affaires, envoie les boutiques qu'il aime. J'ai vu dans les comments de ce site-là, de Racket Boy, tu sais, en dessous, un gars qui dit en anglais, moi, je sais qu'à Québec, il y a la planque aux jeux, puis c'est vraiment cool. Je dis, hein? Il n'y a pas juste moi au Québec qui suis Racket Boy, tu sais. Ah ouais. Donc, je suis allé voir le Facebook, je suis allé voir leur page web. Ils n'ont rien sur leur page web en construction, mais ils ont l'air d'avoir pas mal de stocks, des bons deals, ils organisent des événements. Okay. Donc, c'est pas un shout-out parce que je suis pas allé encore. Ouais. Mais je sens que je vais shout-er out la prochaine fois que je vais aller à Québec parce que ça a l'air vraiment bien. Présentement, la PSP est comme morte, tu sais. Ouais. Il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien d'intéressant qui va sortir, même jusqu'à la sortie de la PS Vita. Mais la PSP n'est pas vraiment morte. Il y a encore des jeux qui sont pas mal intéressants. Puis, je voulais commencer par vous parler de Guitaro Man Lives. Yes. Ça, ce que c'est un jeu de rythme qui est sorti en 2006 sur la PSP, mais l'original était sorti sur la PS2 en 2001. C'est un jeu de Koei. Et puis, vous pouvez le trouver. Il est malheureusement pas disponible sur le PlayStation Network présentement, sauf que vous pouvez l'avoir à 30$ sur Amazon.ca. Ah oui? Ouais. La version PSP? La version PSP. La version PS2... J'ai lu qu'elle est très rare, la version est très PS2. Rare. Elle est vraiment difficile. À l'extérieur du Japon. Oui. Puis, la version PS2, t'es même mieux de l'acheter en version japonaise. Ouais. Elle va te revenir moins cher, puis elle est plus facile à trouver aussi, parce que c'est un jeu qui a eu un succès phénoménal. C'est un jeu culte, mais... les critiques l'ont adoré, mais malheureusement, les ventes ont été minables. C'est un jeu qui est quasiment mort dans l'œuf, malheureusement, parce que c'est vraiment, vraiment excellent. Ce qu'on fait là-dedans, c'est qu'on est un petit gars qui est un peu timide, tout ça. Puis, en gros, là, le jeu, c'est finir par avoir confiance en toi. Donc, c'est bien, ça. C'est des belles valeurs. Donc, le petit gars, il se retrouve devant des ennemis qui vont s'en aller devant lui, du monde qui vont vouloir lui voler sa blonde, finalement, ou lui voler sa dulcinée. Puis, il va se transformer en Guitar Woman. Guitar Woman, c'est le même petit gars, sauf avec une espèce de soupe de Mega Man, puis une grosse guitare électrique. Qui s'appelle U1, c'est bien ouais, ça? Oui, U1, c'est pas ça. Pas U2, là, U1. Yo, one. C'est quand même drôle. Ouais, c'est ça. Puis, bref, on commence la partie, on a pratiquement pas beaucoup d'énergie parce que c'est comme un combat avec ton ennemi. Tu sais, t'as deux jauges d'énergie en haut, puis tu commences, toi, t'as pratiquement rien. Puis, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que il y a quatre stades dans chaque partie. Tu commences avec le mode charge, qui te permet de faire une série de notes sur ta guitare pour pouvoir augmenter ton énergie, pour pouvoir avoir le plus d'énergie possible pour le combat pendant que les notes te sont envoyées sans arrêt. Après ça, tu as le mode attaque pour attaquer l'ennemi avec ta guitare. Après ça, tu as le mode guard pour te protéger des attaques de l'ennemi. Puis, tu finis avec une destruction finale. Maintenant, comment on joue à ça? Il y a deux façons de jouer à ça qui sont mélangées à l'intérieur d'une même partie. Le jeu, au départ, il joue avec le joystick. Tu as un point central, t'es au milieu de l'écran, il y a un petit point, puis les notes s'en viennent vers le point, puis dépendant de où la ligne s'en va, disons, elle peut commencer en haut, puis là, oup, courber vers le bas, puis s'en aller ailleurs, il faut que tu suives cette courbe-là avec ton joystick. Puis ensuite de ça, tu as des notes qui t'arrivent en haut, en bas, à gauche, à droite, puis c'est vraiment les boutons de la PSP, fait triangle, carré, X rond. Puis ça arrive là, sans arrêt les uns après les autres. Puis il va falloir que tu tapes dessus quand ils sont au milieu. Donc c'est vraiment un jeu de rythme. C'est quasiment le grand-père de Guitar Hero, de Rock Band, de ces jeux-là, puis, dans un sens, puis de Parappa the Rapper. Ouais. Ça ressemble beaucoup à Parappa the Rapper en passant, c'est vraiment le même genre. Sauf que dans Parappa the Rapper, Parappa the Rapper était beaucoup plus hardcore. Parappa the Rapper, il était pas mal plus hardcore, tu sais, il était plus difficile, Parappa, tu sais, il donnait pas de chance du tout, tandis que dans Guitar Hero, t'as l'impression d'être peut-être un peu plus en contrôle de ce que tu fais, parce que c'est vrai, faut vraiment que tu sois sur la note, tandis que dans Parappa, c'était des, ce qu'on dit en anglais, des rhymes, tu sais, si t'étais sur le beat, puis tu suivais le flow comme du monde, puis t'allais un petit peu après la note ou un petit peu avant la note, ça fonctionnait, mais quand t'étais direct dessus... Dans la vraie vie, check les rappers, check T-Pain. Check T-Pain. C'est ça, fait que le jeu, en gros, c'est vraiment ça, il y a un mix de jazz, de reggae, de metal, de pop, de rock, de traditionnel espagnol et japonais, puis il y a même une berceuse, il y a tout ça, vraiment, là, ça s'en va de tous les bords, de tous côtés. C'est pas un jeu vraiment qu'on va regarder pour son graphisme, mais malheureusement, il est vraiment intéressant à regarder. Moi, quand je jouais sur la PS2, parce que je l'avais acheté sur PS2. Puis t'as vendu ça, toi, des peanuts. Ouais, j'ai vendu ça des peanuts comme de pète, parce que je me disais, il est tellement, tu sais, il y en a partout sur les étagères, tout le temps en avoir. Mais c'est ça, au moment où je l'ai acheté, ça pognait pas pantoute, puis même le monde me demandait, pourquoi t'achètes ça, comme c'est 50$ pour ça, tu sais. Ben, oui. Mais non, moi, je trippais vraiment sur le jeu. Puis là, j'étais content qu'elle ressorte sur PSP parce que justement, j'ai fait l'erreur puissante de vendre ça avec ma PS2. Puis c'est ça, le jeu vraiment va t'amener d'un niveau à un autre. Il y a environ une quinzaine de chansons. Puis tu peux débloquer le mode Master qui est vraiment... qui est atroce. Parce que t'essayes de faire tes tunes. Puis c'est super dur, là. C'est vraiment, vraiment compliqué. Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu hardcore. Moi, j'ai essayé le mode master, puis j'y arrivais pas pantoute, là. J'étais vraiment pourri, tu sais. Fait que ça, j'ai moins aimé ça. Mais le reste, vraiment, vraiment bon. Il y a un mode coopératif aussi. Mais coopératif qui est plus un contre l'autre. Sur PS2, tu pouvais jouer jusqu'à 4. Sur PSP, je pense que tu peux jouer un contre l'autre. Puis c'est tout simplement, c'est que tu fais une série de notes, l'autre fait une série de notes, puis c'est le même principe que dans le jeu à 1. Tu fais des attaques, tu sais. Puis j'essaie de trouver une toune que j'aimais bien. Ma toune à moi, c'est une toune avec des petits squelettes qui étaient... Attends une minute, je vais trouver ça. C'était, je peux montrer à peu près le genre de tune qu'il y avait là-dedans. Là, c'était, c'est du japonais, fait que c'était un peu. Ça, c'est ma tune. Ça brasse. Ça brasse. Ça, c'est Sanborn Trio. Et présentement, vous ne voyez pas, je vais mettre la vidéo sur le blog, mais il y a une tonne de notes. On peut décider de jouer en mode facile, en mode normal, mais en mode difficile, là, Croyez-moi, c'est encore plus dur que n'importe quel jeu de rythme qui existe. Mais c'est ça, c'est un... Mais ça bouge, là. C'est, ça arrive de tous les bords, là. Oui. La caméra change de plan continuellement. Exact. Ça, c'est en jouant, ça. Oui, ça, c'est en jouant. Puis c'est le fun de ce jeu-là. Comme je disais tantôt, il n'y a pas un engin graphique extraordinaire, mais non. Les animations sont vraiment cool. C'est vraiment le fun. Ça bouge énormément pendant le jeu. Un peu comme dans Samba de Amigo, un autre jeu que j'aime beaucoup qui est dans le même genre, un jeu de rythme. Pendant que tu joues, il se passe une tonne d'affaires en arrière, fait que c'est vraiment le fun. Tu peux penser aussi à Space Channel 5, tous ces jeux-là qui sont des classiques, des jeux de rythme. C'est vraiment des bons jeux. Puis celui-là, je trouve que il les bat tous, ces jeux de rythme-là. C'est vraiment le meilleur. Puis le mélange de gameplay des deux avec les boutons puis avec le joystick, c'est vraiment intéressant. Là. Puis sur PSP, bref, moi je vous dis, allez chercher ça au plus sacré si vous le trouvez, c'est vraiment un classique. Donc, deuxième critique, Patchwork Heroes, qui est un véritable petit bijou qui se retrouve sur le PlayStation Network. Ce jeu-là est passé complètement dans l'ombre. Il n'y a pratiquement personne qui l'a critiqué. Personne vraiment en a parlé, puis c'est vraiment dommage. C'est de Acquire, c'est les mêmes créateurs qui ont fait My Lord, what do I do to deserve this? Une espèce de nom complet que je me souviens plus, c'est exactement ça. Mais c'est les mêmes créateurs, ils sont vraiment originaux, puis c'est un jeu qui va vous coûter 10$. Là-dedans, on doit tout simplement... défendre notre ville d'immenses vaisseaux qui viennent la bombarder. On a un héros qui s'appelle Totori qui va se promener sur des gros vaisseaux, puis qui va se promener avec une scie pour pouvoir scier des parties de ce gros vaisseau-là avant qu'il arrive à destination, donc évidemment dans un temps limité. Dans ce jeu-là, le jeu au départ me fait penser un peu pour ce qui est de la dynamique de jeu, là. On pourrait penser au classique Kix. Ouais. Ou Girls Panic, si vous êtes un gars et vous avez joué dans les arcades. Ou ça. Ben, c'était comme un espèce de jeu que tu as une bille qui se promène sur les bords de l'écran, puis tu vas aller faire des zones avec ta bille. Disons, tu t'en vas à gauche, tu fais un carré, tu en fais un autre, puis tu remplis l'écran de plus en plus, tu sais. OK. Puis c'était un peu ça, Girls Panic, c'était la même affaire que Kix, sauf qu'en dessous, il y avait des filles tout nues en 8 bits. Ah oui! Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est pour ça, c'est un classique des arcades, là. Les petits gars aiment bien ça, mettre des 25 cents là-dedans. Et partie gars, je m'inclus quand même. Fait que c'est ça, dans ce jeu-là, le jeu, premièrement, le look est vraiment incroyable. Si vous aimez les jeux comme... c'est tellement beau, là. C'est beau, hein? C'est comme vraiment patchwork. Ça me fait penser un peu à Epic Yarn encore, ça veut dire, mais comme pas cousu. Epic Yarn, Little Big Planet, tu sais, vraiment empilé, puis c'est... Tu sens vraiment là, le papier, la texture du papier, c'est super beau qu'est-ce qui a été fait. Puis, au-delà de son look original... Le jeu, vraiment, là, c'est vraiment en tête. Ce qu'il faut faire, t'as un gros vaisseau, tu le vois vu de haut. Puis au début, ton personnage principal, Totori, arrive avec deux autres personnages. Puis le but est tout simplement de détruire le vaisseau, comme j'ai dit, avant qu'il arrive à destination. Pour faire ça, t'as une scie dans les mains, puis tu pèses sur ton bouton. Puis tu vas te rendre d'un côté jusqu'à un autre du vaisseau pour pouvoir faire tomber ces bouts-là. Puis, évidemment, il y a des ennemis, il y a du monde qui vont te lancer des missiles, il y en a d'autres qui vont venir te chercher des espèces de grosses tarentules qui viennent te chercher. En plus de ça, tu as des otages qui sont sur le vaisseau qu'il faut que tu ailles aider, qu'il faut que tu ailles secourir. Puis, on peut seulement être trois personnages à la fois. Okay. Donc, si tes trois personnages tombent, ou se font tuer, parce que quand tu te tues, tu tombes en bas, ou si tu coupes malencontreusement une partie du vaisseau puis qu'il y avait un otage, ben il meurt et il tombe en bas. Puis tu peux continuer même si tu as tué ton... Tu peux continuer, c'est juste que si tes trois personnages principaux, c'est comme un peu si t'as tes trois vies. Ouais, c'est ça. Si les trois tombent, la mission est annulée puis ça fonctionne pas. Fait que tu peux laisser faire les otages, tu veux. Tu peux laisser faire les otages, mais il y a évidemment un système de... De récompense. Un système de récompense que t'as justement, t'as 5 étoiles ou t'en as une. Ouais. Moi, je peux garantir au monde que si vous si vous tuez vos amis, ben vous allez avoir une étoile. Donc évidemment, on recherche à avoir tous les otages, à secourir tout le monde, puis à finir le jeu dans un temps précis, le temps le plus rapide possible. Il y a aussi des espèces de petits power-up qu'on peut pogner. Il y en a un qui arrête le temps, tout simplement. Donc ça permet d'arrêter tous les ennemis qui sont dans l'écran, puis de pouvoir scier une bonne partie du vaisseau sans trop craindre qu'il va nous manquer de temps. Puis aussi, un peu plus tard, on va nous donner des objectifs, comme disons, il y a une partie du vaisseau qu'on peut pas détruire parce qu'il y a une reine qui est là, qui est dessus, puis on peut absolument pas. Donc, il faut aussi jouer avec les portions du vaisseau. Si on décide de détruire une petite portion, elle va tomber, mais si on détruit une grande portion, c'est la portion qui a le moins de poids qui va tomber. Donc, disons, si c'est 40% du vaisseau versus 60%, c'est pas le 60% qui va tomber, c'est le 40%, tu sais. OK. C'est pas comme dans Looney Tunes avec le coyote, là, c'est vraiment la bonne partie qui tombe. Fait que c'est ça, au final, le jeu, c'est vraiment ça, là. Tu peux-tu scier n'importe... Je veux dire, il n'y a aucune limite au sillage. Il y a des... N'importe quoi, n'importe quoi. Non, il y a des limites. Des fois, il y a des bouts du vaisseau qui sont en métal, fait qu'il faut que tu les contournes. Des fois, t'as des espèces de grosses bébites qui vont venir te chercher seulement quand tu passes à côté. Puis ces bébites-là te lâcheront pas tant que tu n'as pas scié la partie du bateau ou que tu l'as pas fait exploser parce que t'as aussi des bombes. Mais quand tu utilises une bombe, tu perds un de tes ouvriers, si on peut dire. Il sacrifie, lui-là. Il sacrifie, il pogne la bombe. Puis il part avec, puis il part avec le bout du bateau, le bout du vaisseau. Tu le vois partir avec une espèce de petit parachute. Fait que tu dis, il est pas vraiment sacrifié, il est pas mort. Ça reste quand même cute, tu sais. Il y a personne qui meurt de façon épouvantable. Fait que c'est quand même un jeu qui est très cute. Là. Le graphisme est vraiment cute. Ouais. Un petit nuage, puis c'est vraiment 2D. La musique aussi, ça a l'air. Oui, la musique, c'est comme une espèce de musique de fanfare, espèce de vieille fanfare. Ben, c'est tout à fait le look, là. Puis d'ailleurs, j'ai vu que ce jeu-là était allemand. Oui. Oui. Fait que, je sais pas, ça, on dirait que ça paraît. C'est vrai que ça paraît. Ça fait pas américain, là, comme jeu. Non, puis pas du tout. Le look fanfare, la musique fanfare, le look vieillot, là, comme ça, tout ensemble, ça fait un super beau package. Ah, c'est vraiment génial. Puis moi, je trouve ça triste parce qu'il y a personne qui connaît ce jeu-là. Moi, des fois que j'en parle à quelqu'un, les gens le connaissent pas, fait que je voulais absolument en parler à Rétro Nouveau. Puis c'est pas un jeu qui est récent, mais c'est un jeu auquel vous allez jouer vraiment longtemps, là. Il devrait même, je comprends pas pourquoi c'est pas déjà fait, doivent avoir un deal avec Sony, mais moi je sortirais ça sur plateforme iOS ou même sur Android, parce que ça jouerait vraiment bien, là. Ah, jouer ouais. à ça sur un portable, ça serait écœurant. Fait que non, vraiment, super bon jeu. Il n'y a pas une tonne de mods, mais le jeu principal est tellement bon. T'as pas besoin de plus que ça. T'as pas besoin de plus que ça. Ben, oui. Ce qui arrive, là, c'est que les vaisseaux vont grossir sans arrêt. Puis à un moment donné, c'est ça, il est gigantesque. Puis ils prennent tellement de place qu'un écran n'est pas assez. Puis des fois, on va venir même on va déplacer la caméra pour faire comme hey, y a de quoi qui se passe là, puis ça va pas bien ton affaire. Puis une autre chose aussi, c'est que t'as du temps avant de te rendre, mais plus tu détruis le vaisseau, plus eux autres vont se rebeller contre toi. Fait qu'au début, quand il y a comme un décompte qui se fait à un certain point parce que l'ennemi se rend compte que t'es en train de le détruire. Fait qu'ils décident d'être kamikazes puis de bombarder eux-mêmes. Son propre vaisseau. Oui, leur propre vaisseau. Fait que là, ils essayent de te détruire puis les missiles tombent sur toi puis c'est vraiment difficile. Ça brise le vaisseau. Oui, ça brise le vaisseau. Ça brise le vaisseau, mais toi, il faut vraiment que tu te faufiles entre ça, entre tous les ennemis. Ce qui est le fun, c'est que tu as un bouclier aussi qui fait que tu peux repousser les ennemis un peu, mais ça va durer une fraction de seconde, ils vont revenir sur toi. Fait que c'est un jeu. Moi, je pensais que c'était un tout petit jeu. Je pensais que c'était un PlayStation Mini ou quelque chose du genre. C'est un gros jeu quand même. Pour 10$, là, j'ai rarement vu autant de matériel que ça parce qu'il a commencé ce jeu-là à 10$. Il l'est encore. Il est resté une super bonne cote sur PlayStation Network. Allez acheter ça maintenant sur PSP Moi, j'y joue avec ma PSP Go. Oui. Ouais. Parce que c'est un jeu qui est en téléchargement seulement. OK. Fait que il faut absolument le télécharger. Vous ne trouverez pas ça en magasin nulle part. Puis tant mieux, parce qu'au moins, il disparaîtra pas comme GTA Roman. OK. Donc, en conclusion, moi, je voudrais parler vite de notre petit jingle d'introduction de notre podcast. Yes. Il a été fait par Patrice Bourgeot, qui est mon ami et associé. Puis Patrice, en fait, est designer graphique comme moi, mais c'est un musicien dans l'âme, là, vraiment. Oui. Il joue de tous les instruments, puis il est apparemment très capable de composer de la musique style 8-16. Ouais, des chiptunes. Des chiptunes. Il est vraiment doué. Il a fait toute la musique pour Ninja Senki. Je ne sais pas si vous avez essayé, c'est un jeu gratuit, downloadable. Oui. Écoute, ça ressemble à Mega Man, là, vraiment. Ouais. Mega Man 1. Là, c'est sur PC. Hein, sur c'est PC ça. Seulement. Allez voir ça, Ninja Senki, puis ça a été fait par Jonathan Lavigne, qui a travaillé sur, en fait, Scott Pilgrim vs. The World. Pas n'importe quel jeu, quand même. N'importe quel jeu, vraiment puis il y a des bons contacts, fait qu'il travaille sur un nouveau jeu présentement aussi, donc tout ça, c'est très intéressant. Or, c'est ça, Patrice a fait le beat pour Ninja Senki, c'était vraiment très bon, puis il a eu l'obligeance de bien vouloir faire notre jingle d'intro. Ah, alors, je voulais le remercier. Puis, merci, man. Merci, Pat. Puis, si vous êtes des développeurs indépendants, vous avez besoin de beats de ce style-là, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à info@commercialretronouveau.ca. Pat, ce sera un plaisir de composer de la musique pour votre jeu. Great. Yes. Merveilleux. Puis, c'est ça, je fais un petit retour, je l'ai dit au début, mais merci pour votre support, on est super contents. Puis, on va continuer de faire Rétro Nouveau le plus souvent possible. Des fois, évidemment, on va peut-être avoir plus qu'un épisode par semaine. Des fois, il va en avoir un la semaine d'après. J'aimerais que Rétro Nouveau soit pas nécessairement une fois par semaine ou deux fois par semaine. Ou t'sais, ça sera ce que ça sera, puis on va mettre les épisodes au fur et à mesure. On a hâte de mettre les épisodes en ligne de toute façon, donc... Vérifiez souvent, il va en avoir un. De toute façon, abonnez-vous à notre Twitter, puis Facebook. Façon. Meilleure façon d'être au courant de ce qui se passe avec nous autres. Puis sur Facebook aussi, on va continuer à mettre des vidéos, des trucs comme ça. Puis sur notre page, vous pouvez retrouver tous les vidéos puis les liens qui ont rapport aux épisodes. Donc, merci Bruno. Bien, merci Dominique. Au prochain épisode. À la prochaine. Retro Nouveau.